La sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Bonjour, cher public. Bienvenue à La sortie de secours est à votre gauche avec moi-même, Sébastien Gartin et Lucas Hubert pour une revue facétieuse de l'actualité en cette magnifique semaine de janvier. Merci, Ozzy. Bonjour, Lucas. Bonjour. Bonne semaine. Ouais, comment ça a été, ta semaine? Écoute, j'ai une semaine occupée. Contre mon habitude, j'ai acheté du vin à la SAQ. Pas que j'aime pas la SAQ, mais c'est juste que je bois pas de vin en général. Mais cette semaine, j'y étais vraiment très incité parce que j'ai reçu Le Cellier. C'est la magnifique publication que la SAQ nous fait une fois par mois qu'on retrouve dans notre boîte à mal. Ça m'a incité, c'est de la publicité, ça m'a incité à m'acheter du vin, ce que je fais pas très souvent. C'était pour le profit de notre société. Par contre, ce que je me dis, c'est que si on le plastifie un peu moins, le fameux Le Cellier, parce que c'est une belle publication là, en feuille là, qui se récupère pas d'ailleurs, je me dis ça coûte cher ça, fait que peut-être qu'on pourrait mettre plus d'argent dans l'État-providence s'il était en papier journal. L'autre chose aussi, c'est que contre à mon habitude toujours, j'ai encouragé l'Auto-Québec parce que j'ai appris que l'Auto-Québec nous permet, grâce à la plateforme Mise au jeu, de parier sur les élections américaines. Ah, t'as parié sur qui? Ben sur Bernie Sanders, voyons. Voyons, Bernie Sanders. Notre meilleur ami. Tu penses qu'il y a des chances? Ben, je pense que oui, puis de toute façon, on le sait, c'est Mise au jeu, à base, c'est pour du sport, et ça va être du sport, les élections américaines. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, on va probablement avoir l'occasion d'en parler un peu plus. Mais oui, c'est les primaires, ça commence en Iowa, on va savoir qui est-ce qui va diriger chaque parti. Ah, ça va être de toutes les beautés, j'ai vraiment hâte, moi. Je pense que, tu sais, il y a des jeunes en vie qui se regroupent pendant les séries là, au hockey, là, quand le Canadien fait les séries. Là, que c'est... Nous autres, je pense que ça va être plus pendant les primaires, hein, Lucas? On va pouvoir s'amuser, regarder l'Iowa, ce qu'ils font, New Hampshire, etc. Pour les gens qui écoutent House of Cards, là, c'est un peu comment que ça a fini la dernière saison. C'était ça, les primaires. Les primaires aux États-Unis, en fait, c'est comme une période préélectorale où est-ce que les gens doivent s'inscrire pour être sur la liste électorale, contrairement ici qu'on est de base sur la liste électorale. Et pour les primaires, aux États-Unis, les gens doivent aller au bureau pour s'inscrire. Puis là, quand ils s'inscrivent, dans le fond, ils se font poser la question à savoir pour qui ils vont voter aux élections à venir, qui vont être en novembre. Et dépendant de qui est-ce qu'ils disent, ils ont le droit aux primaires de voter pour c'est qui va être le chef du parti. Donc, il y a Parti républicain, Parti démocrate. Et là, dépendant, si tu dis, quand tu vas t'inscrire à la liste électorale, je compte voter républicain ou je compte voter démocrate, tu vas pouvoir voter pour le chef de ce parti-là. Mon Dieu, que c'était éducatif. Merci, Lucas. Et toi, ta semaine? Moi, ma semaine, alors, j'ai été au Temps d'une pinte cette semaine voir le spectacle de Blue Jeans Bleu. J'ai rien à dire sur le sujet, c'était vraiment plate. Fait que dans l'actualité, je m'excuse s'il y a des fans de Blue Jeans Bleu qui nous écoutent. Ça nous arrive de ne pas aimer les choses. Cette semaine, j'ai été surpris. Je me suis découvert des amis que je connaissais pas dans l'actualité. Et d'ailleurs, pour la première fois de ma vie, je vais vous citer Philippe Couillard. Qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, je m'excuse. Bon, Philippe Couillard, sur le cas du registre des armes à feu, on a vu, il y a eu des petites chicanes à l'interne au PQ à propos de ça, parce que là, il y en a qui ont commencé à être dissidents et dire que ça brime donc bien les droits des chasseurs. On le rappelle, on est au Québec, là, on n'est pas au Texas. Exact. Philippe Couillard, pour défendre le registre des armes à feu, a dit, et je vais le citer, là. Écoute, moment d'histoire, je cite Philippe Couillard, il dit « J'ai deux armes de chasse chez moi. J'ai jamais été du tout traumatisé par le fait d'avoir à les enregistrer. J'ai de la difficulté à comprendre cette hésitation. Je ne vois pas l'oppression. Je ne vois pas en quoi ça brime qui que ce soit ou quoi que ce soit. » Donc, le chapeau à Philippe Couillard d'avoir dit quelque chose. Honnêtement, là, si tu sens que tes droits sont brimés parce que tu es obligé d'aller t'enregistrer parce que tu as un arme à feu, je trouve que ça te va prendre beaucoup plus qu'un arme à feu pour te sentir viril après ça. c'est un peu comme se sentir brimé de devoir avoir une plaque d'immatriculation après sa voiture. Oui, ça écœure de payer le petit 100 quelques piastres que ça coûte pour l'immatriculer pour l'année, mais... Écoutez bien, maintenant, il faut le savoir, le nombre de chars que c'est route, c'est la même logique. Bref, c'était très éditorial comme tour de table. Tu trouves? Je suis fier de nous. Donc, Ensuite de ça, dans l'actualité, on a... Moi, j'ai bien apprécié. Il y avait cette semaine une entrevue avec Plantu, qui est le caricaturiste du Monde, le journal français, qui est allé, je pense, c'était de mémoire, c'était avec Rima. Rima El Khoury de la presse. Si je me souviens bien, sinon c'était avec quelqu'un d'autre, je m'en excuse. Bref, une entrevue avec Plantu qui explique que lui, il s'est toujours auto-censuré quand il fait des caricatures. Puis il a toujours dit que l'autocensure, c'est important. Il dit que, bon, il y avait eu avec Plantu, justement, un problème dans le temps de... il y avait eu des caricatures de Mahomet milieu des années 2000. C'était en 2005, ça. 2005, oui. Mm-hmm. Qui avait été un peu litigieuse. Très litigieuse, effectivement. Et Plantu avait justement défendu la liberté d'expression. Mais il avait dit que c'était quand même important, l'autocensure, parce qu'il y a des limites à ne pas franchir, pour simplement des questions de respect. Il dit, en fait, il s'est un peu plaint pour dire que depuis les attentats de Charlie Hebdo, il trouvait que on n'avait plus le droit de dire ça. Ça se dit plus qu'on s'auto-censure. Mais à base, n'importe quel processus de création artistique, en quelque part, tu vas tout le temps te dire, telle affaire, c'est pas une bonne idée, ou telle... Je vois pas en quoi... Tu sais, il y a une différence entre dire non, ça c'est pas très bon ou ça c'est pas une très bonne idée, ça va peut-être avoir une mauvaise réaction ou quoi que ce soit. Puis. Exact, tout simplement se demander à soi-même est-ce qu'il y a des gens que ça va, à qui ça va faire de la peine, est-ce qu'il y a des gens que ça va blesser, est-ce que c'est haineux ce que je fais? Je trouve que c'est pas de la censure que tu auto-censurer. Il y a déjà une différence entre blesser quelqu'un puis être haineux, tu sais. Puis on s'entend, il y a certaines caricatures qui ont été faites dernièrement au nom de la liberté d'expression qui étaient carrément haineuses en fait. Là. Effectivement, c'est un débat qu'on pourrait carrément faire un éditorial éventuellement sur la liberté d'expression. C'est une bonne idée, ça. Liberté, ça, il s'en dit des niaiseries sur le dos de la liberté d'expression dernièrement. Hey, c'est quoi, t'essaies de censurer ceux qui défendent la liberté d'expression, c'est ça? Non, du tout, mais est-ce que les autres essaient de me censurer? Non, ça va être un débat intéressant à avoir. D'ailleurs, je vais me faire de l'autopromotion, probablement que mon prochain éditorial en Zone Campus va porter sur le sujet. Ça, d'habitude, on le garde pour le mot de la fin, Lucas. Rigueur, s'il vous plaît. D'accord. On respecte le cadre. Je m'excuse, Pierre-Bruno. Donc, pour la semaine, c'était pas mal ça. Je crois. Hein? Ça fait un gros ministériel, un peu en direct. On peut jongler un peu avec ça rapidement. En fait, on a un peu fêté en apprenant que François Blais quittait l'éducation. Ensuite, on a un peu défêté en apprenant que c'était Pierre Moreau qui prenait sa place. Ouais. C'est comme une victoire mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Ouais, ben on a les apartistes sur Facebook qui ont écrit « Le jour du remaniement ministériel au PQ ». Il dit « Quand tu brasses du fumier, ça reste du fumier. Ça fait juste sentir plus fort. » Ouais, c'est un peu triste de dire ça, mais c'est vrai que c'est un peu l'impression qu'on en a. C'est oui, il y en a qui nous dérangeaient depuis un certain temps, mais on les remplace par un autre exemple. Il y a Martin Coiteux qu'on a appris à détester dans la dernière année pour la manière qu'il a dirigé le Trésor, mais particulièrement les négociations avec le secteur public qui a été clairement manqué d'ouverture. Puis là, on se dit, bon, débarrasser de lui, c'était quelqu'un de peut-être très compétent dans les banques, mais c'était quelqu'un qui semblait extrêmement rigide. Puis on le remplace par Sam Hamad. Ben, ouais, il va peut-être redorer un peu le blason des Syriens. Je l'ai toujours dit, peu importe à quel point ce qu'on ne tripe pas sur Sam Hamad, moi, dans mon petit dada personnel, c'est-à-dire tout ce qui est relié à l'immigration, reste que ça donne être une espèce d'allié fortuit de la cause des réfugiés. C'est bien si ça peut être quelqu'un de cette idéologie-là qui déniaise un peu les gens de cette idéologie-là, pourquoi pas. Absolument. Sur ces belles paroles, sur ces belles paroles, chanson, ça va sur Mon oncle Serge. On sait que ça l'a joué tout à l'heure, on a entendu, donc ça va peut-être être un peu répétitif, mais voici une belle chanson de Mon oncle Serge et on va profiter de la chanson après pour vous faire notre champion de la semaine. Chez Hochelag Pizza, c'est l'heure du midi. La classe ouvrière est là, dis-moi que c'est quali. C'est-tu le petit livre rouge de Mao, les trois tomes du Capital? Bien sûr que non, c'est plutôt le Journal de Montréal. Le guide du prolétariat, n'en déplaise aux intellos. Ce n'est pas chez Guevara. L'homme qui élève la convergence au rang de grand art, pendant que la faucille et le marteau rouillent dans le hangar. Le soleil se lève à peine que déjà ses camelots propagent la parole d'Éric Duhaime et celle de Martineau. Il met les syndicats knock-out à grands coups de lock-out. Et le peuple en liesse crie bravo. Pelado! Wow! Le communisme est mort depuis des décennies. Mais le nom de Québécois brille encore dans la nuit. La gauche n'aura laissé que le souvenir un peu vague de la Pravda, du KGB, des purges et du goulag. Et quelques pauvres guignols qui chiolent contre tout ce qui bouge en tapant sur des casseroles et en s'affublant de carrés rouges. Marchandeau, TVO, le journal de Québec, Éco-Vedette, Vidéotron, Distribution Select. Qui dirige donc cet empire? Sûrement pas Amir Kadir. Ni Karl Marx, ni Castro, mais Pelado. Ils peuvent bien aboyer tous les chiens du plateau. Au fil d'arrivée, qui est-ce qui est encore premier? Pelado. Alors, c'était mon oncle Serge avec la chanson Pelado. Donc, vous aurez deviné c'est qui notre champion de la semaine, mais juste avant, on vient d'accueillir Anne-Julie Durocher qui vient nous parler tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Absolument. Très absolument. Bien. Donc. You are the best, but you say you don't know. You got the touch, now come on, let it shine. Donc, comme vous l'aurez deviné, le champion de la semaine... Bon, le champion de la semaine, premièrement, c'est un segment qu'on fait toutes les semaines. C'est une personnalité publique qui s'est démarquée dans l'actualité. Donc, évidemment, avec la chanson qu'on vient de passer, c'est assez évident qu'on va parler de Monsieur Copé, Pierre-Carl Pelado. Donc, pour rappeler son œuvre, Pierre-Carl Pelado, qui est évidemment le chef du Parti québécois. Donc, cette semaine, il était question, entre autres, de... En fait, il a commencé à parler de lui à cause du l'histoire de mise en demeure, en fait. L'histoire de mise en demeure, c'est ça. C'est que, dans le fond, une des promesses électorales, mais électorales internes, on pourrait dire, qui a fait porter Pierre-Carl Pelado à la chefferie du Parti québécois, c'était de créer ce qu'on appellerait un observatoire de l'indépendance. Qui était une espèce de think tank, comme on dit dans le milieu, afin de renouveler le discours souverainiste indépendantiste. Oui, de faire des études, de réussir à dire comment est-ce que ça serait possible, comment ça serait impossible, de quelle façon ça devrait se faire, etc. Toutes des questions qui sont pertinentes. De mettre à jour l'argumentaire, ce qui n'a pas été fait depuis à peu près 20 ans. Donc, ce qui est en soi une très bonne idée. Où ça l'a accroché, c'est que Pierre-Carl Pelado a, de sa fortune personnelle, avait l'intention d'investir 1 million de sa fortune personnelle là-dedans, afin de financer les études. Puis là, ben, il s'est trouvé des voix, entre autres à la CAQ, pour dire que c'était, en fait, étant donné cela, ça devrait être considéré comme des dépenses électorales. Donc, exact. Que c'était un don, évidemment, très au-dessus de la limite de don électoral, ce qui fait que c'était illégal. La question se demandait à quel point l'organisme serait partisan ou pas. Est-ce que ça serait un organisme qui serait comme une tentacule du PQ ou ça serait vraiment un institut indépendant qui fait de la recherche pour la souveraineté puis qui serait pas nécessairement pour un parti qui pourrait, par exemple, dénoncer si le PQ avait des offres à faire sur la souveraineté quand dans sa plateforme, que l'organisme aurait la liberté après ça de dire « Ben non, c'est pas comme ça que ça devrait se faire. On a des études qui nous montrent qu'au contraire, ça devrait plutôt se faire de cette façon-là. » Ou encore, aussi comme, mettons, on a l'Institut économique de Montréal, entre autres, qui est un peu le même genre de structure qui une fois de temps en temps, fait des études sur des sujets pertinents, il les publie. Souvent, c'est repris dans la presse, dans Le Devoir aussi, puis ainsi de suite. Puis s'arrêter, il n'existait juste pas de think tank actuellement qui était vraiment axé autour de la souveraineté du Québec. Donc, c'est en soi, l'idée est très bonne. Je veux dire, c'est de développer les connaissances qu'on a, c'est n'importe quel universitaire devrait être pour ça, là, à la base. Mais pas une question de partenariat. Est-ce qu'on est souverainiste? Est-ce qu'on est fédéraliste, etc.? Je crois que si on a des données objectives, si on a des recherches qui se font, c'est en soi très sain pour le débat démocratique. C'est ça. C'est de savoir quels sens sont les tenants et aboutissants. Le problème, puis tu l'as dit tout à l'heure, c'est que, bon, la question à savoir, c'est est-ce que cette nouvel observatoire-là serait une tentacule du PQ ou serait quelque chose d'indépendant que, oui, effectivement, le PQ pourrait utiliser leurs recherches, mais qui ne serait pas seulement un véhicule idéologique du PQ. Le débat n'a pas été fait parce que le débat est très vite tombé dans la cour du catfight, on pourrait dire, du graffignage entre parlementaires. Ce qui arrive, c'est qu'il y a entre autres un député de la CAQ qui a dit, de la Coalition Avenir Québec, qui a dit, ben c'est clairement quelque chose de partisan, donc c'est clairement une dépense électorale, donc M. Pelladeau serait dans l'illégalité de tout ça. Là encore, on se demande, mais pourquoi avec tout ça, M. Pelladeau est notre champion de la semaine? Pourquoi? Parce qu'au lieu de lui répondre, d'avoir un débat à l'Assemblée nationale ou en marge de l'Assemblée nationale, M. Pelladeau a décidé de lui répondre par la bouche de ses avocats. Et de le menacer de mise en demeure, de même faire une médiation, parce que ce qu'il disait, c'est que c'était carrément de la diffamation, ce qui était fait là. Or, on n'est pas d'accord avec ça. Pas vraiment, non. C'est pas juste le député de la CAQ qui a été menacé de mise en demeure, il y a aussi un du Parti libéral. Oui, parce que, évidemment, le PLQ, qui est souvent le parti qui parle le plus de la souveraineté du Québec, en fait, très, très souvent, sont sautés à pieds joints là-dedans. C'est sûr qu'ils sont toujours les premiers à vouloir enlever de la crédibilité à M. Copé. Donc, on a eu affaire à une belle activité de mauvaise foi. Puis là, bien évidemment, M. Copé, comme depuis qu'il est devenu un représentant du public, depuis son élection en 2013, si ma mémoire est bonne, au moment d'ailleurs où la chanson a été écrite, celle qu'on présentait tout à l'heure, il est tout simplement a répondu oui par ses avocats, mais aussi de très très longues tirades sur sa page Facebook. Évidemment, parce qu'on sait bien que quand on possède un empire médiatique, la meilleure façon de régler ses comptes, c'est sur Facebook. Ouais. En même temps, est-ce qu'on aurait voulu qu'il fasse par l'entremise de TVA? Moi, je l'appelle notre tout petit Berlusconi québécois, puis je pense que j'aurais été encore plus justifié de le faire s'il était passé ça par TVA. Attention, hein, il a déjà envoyé une mise à demeure à quelqu'un qui l'avait comparé à Berlusconi. Bon. Watch toi. Ouf. On n'a pas sure. On gagne beaucoup. On gagne un gros salaire grâce à l'argent des cotisations étudiantes, mais on peut pas se permettre une mise en demeure. Non, effectivement, on va probablement se faire enlever des ondes. N'en demeure pas moins que ça reste un politicien qui possède le plus gros empire médiatique du Québec. Je m'excuse, mais la comparaison est relativement facile à faire. C'est sûr que si on parle des autres frasques de Berlusconi, là, j'embarquerai pas dans ce domaine-là, mais ça nous amène en fait à la deuxième chose qui s'est passée. Étrangement, assez proche de ça, c'est que M. Copé a notamment voulu critiquer ses opposants de la presse en disant que la presse appartient à des marais qui eux autres même possèdent le PLQ, ce qui est une chose quand même touchée à dire. On s'entend, c'est un peu un secret de polichinelle, mais un chef de parti qui s'en va commencer à dire ça sur sa page Facebook en se basant sur pas grand-chose. Puis C'est de la petitesse. Là, ça l'a dévié un peu sur l'histoire des paradis fiscaux, entre autres, parce que là, c'est entre autres ça de quoi il accusait... La presse a sorti qu'il y avait eu des schémas fiscaux au Luxembourg et en Suisse. Et ensuite, deux jours plus tard, Radio-Canada a sorti là, qu'il y avait carrément des trucs de Québécois devant les îles Caïmans et ces endroits-là. Donc, est-ce que quelque chose d'intelligent a été répondu à ça? Ben, en fait, là encore, page Facebook. Non, non, non, j'étais pas au courant. Ces filiales-là se sont créées avant que je devienne PDG. On a eu droit à toutes les excuses de mauvaise foi. Et surtout, on sait bien, la presse, Radio-Canada, c'est du fédéralisme, puis ils vont tout faire pour me salir. Ils sont tout le temps sur mon cas. C'est de la propagande fédéraliste, canadienne, Québec bashing, on va y par là. On lui rappellerait Sun News, mais bon. Donc, c'est... Sun News. Sun News. Qu'est-ce que Sun News? Sun News, c'est probablement le média qui vraiment était le plus dans le Québec bashing, dans le Canada anglais, au point de rendre même les anglophones de l'ouest de Montréal mal à l'aise, qui était une tentacule de l'Empire québécois fondée sous le règne de Pierre Carl. Donc, c'est toujours drôle, d'après ça, de le voir se présenter comme un patriote. C'est toujours un peu paradoxal. Mais non, ça faisait partie de la technique. Là. Tu l'as pas saisi. Dans le fond, il voulait comme pousser la haine du Québec dans le reste du Canada pour qu'il nous laisse partir. Ah ben oui, c'est clairement ce qui s'est passé. C'est pour ça aussi qu'il était bien chum avec Mulroney. Oh, j'ai dit ça. Donc, ça nous amène finalement à ce que, étonnamment, la presse... Ça, c'est un peu drôle, par contre. Ça, il y a un timing étrange. Bon, on le sait, Pierre-Carles, c'est M. Pelladeau, s'est marié avec Julie Snyder cet été. Et finalement, la presse, d'ailleurs, ont été les premiers à annoncer que, à travers toutes ces turpitudes cette semaine, le couple se divorce. Le couple devrait se laisser. Donc... Oh. Au début, on croyait un peu un calembour ou une petite méthode de la presse, mais malheureusement ou heureusement, ou en fait, j'ai pas de jugement là-dessus, la presse avait raison. Et effectivement, ça a été rendu public que le super couple Pelladeau-Snyder mettait fin à leur union. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? C'est sûr que ce qui a été la seule raison, ils ont été encore assez discrets là-dessus, mais la seule raison qui avait été dit, c'était justement l'implication de M. Copé en politique qui aurait été du plomb dans l'aile de leur... je me sens pas très poétique sur ce sujet-là, parce que, bon, ça semblait déjà, à mon avis, ça ressemblait déjà un peu à un mariage de raison, mais en tout cas, ça les regarde. Ouais. Donc... À ce sujet, on a aussi un ancien ministre péquiste qui est sorti dans la presse pour dire que, à son avis, aux prochaines élections, Pierre-Carl Pelladeau ne sera pas le chef du PQ. Ça commence à tirer de la patte son affaire. On a dans les coulisses, surtout dans la presse, des rumeurs comme quoi que, bon, des gens comme Véronique Yvon, l'aile gauche du PQ, sont de plus en plus dissidentes à se rallier à PKP. Ça va pas bien pour lui, hein? Non, c'est... Ben, il nous avait dit, puis bon, donnons la chance aux coureurs, qu'il avait... lui-même disait qu'il avait encore des croûtes à manger. C'est sûr qu'il est devenu chef du parti avec très peu d'expérience en politique. Fait qu'on se disait, donnons la chance au coureur, voyons voir ce qu'il va faire. Il apprend pas, hein? Non. On dirait que ses croûtes, à place des manger, il les cache en dessous de la table comme on faisait quand on était enfant. Il les donne aux chiens. Donc, on comprend que ça bat de l'aile. Ça va pas très bien pour le PQ dans ce temps-ci. Puis... Ben, honnêtement, on leur souhaite aux autres aussi un divorce de raison. Donc, sur ces différentes paroles, nous serions rendus à une toute petite publicité. Et de l'autre côté, on va avoir un éditorial et l'entrevue avec cette très chère Anne-Julie Durocher. Vous êtes assis. 89.1. C'est fou. Monsieur le pilote, j'aime bien vos nouvelles lunettes. C'est quand même spécial, là, des Ray-Ban noirs. Ah, merci. Mais ça doit cacher les rayons. Oui. Mais là, par contre, on perd quand même 500 mètres d'altitude par seconde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Attends une minute, je vais vérifier ça. Rex! Ouais, tu vas remonter ça de 300 mètres. C'est qui ça, Rex? C'est mon chien Mira. Hein? Il y a des choses qui s'improvisent pas. Pour tout le reste, il y a la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières, les lundis 20h à la Chasse-Galerie de l'UQTR. Prochain match, 1er février. Les Bleus affrontent les Verts. Relax, déconnecte, on clique, ose la huître. Vendredi 5 février, 21h. Votre café-bar Le Zénob reçoit la formation montréalaise Tertio. Pour une soirée jazz-rock, drum and bass, originale, soyez au Zénob pour le spectacle de Tertio, ce vendredi 5 février, 21h. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. La chanson te dit quelque chose. La voix te dit quelque chose. Sur place, peut-être bien l'émission. Il n'y a qu'une chose que tu sais pas, c'est que Skypunka est maintenant de retour tous les vendredis entre 20h et 22h. Fait que je t'attends. We're on our knees, but we will rise again. vous êtes assez fait. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Bonjour, cher public. Vous êtes toujours à l'écoute de La sortie de secours est à votre gauche avec moi-même, Sébastien Gertin. Et maintenant, la semaine passée, pour ceux qui ont écouté, c'est l'heure de l'éditorial. Moi et Sébastien, on se passe la balle. Une semaine, c'est moi, une semaine, c'est lui. Cette semaine, c'est notre cher Sébastien qui nous fait son éditorial. Ok, oui, parce que normalement, on aurait eu un petit jingle qui part à ce moment-là, mais il n'est pas encore fait. Ouais. Des choses qui arrivent. On procrastine un peu. Ça va venir. On commence. Hein, c'est notre deuxième émission. En tout cas, j'ai avancé deux niveaux à Candy Crush au moins. Pendant que tu fais la console, ça explique plein de choses. Donc, éditorial de la semaine, ça là, il aurait dû avoir. Imaginez, cher public, dans votre tête, un magnifique jingle quelconque. Et ça va être à propos du campus Drummondville, parce qu'au début de la session, on a en grande pompe célébré l'ouverture du campus Drummondville de l'Université du Québec à Trois-Rivières, notre université, pour sa première session. Évidemment, il y a eu de la polémique autour de ça, notamment par le passé avec, ça a coûté la chaise à la rectrice Gazali, tous les problèmes de financement liés à ça, les contrats qui avaient été. Mais bon, présentement, tout ça est fini. On a notre beau pavillon tout beau, tout neuf au centre du Québec. Le problème, c'est qu'on l'a ouvert pour les mauvaises raisons. C'est quoi le problème exactement avec ça? Ben, c'est que, on va rappeler un peu la mission de l'université, des universités du Québec, c'est d'offrir une formation de qualité dans sa région, une formation universitaire de qualité dans sa région, faire que les gens n'aient pas, parce qu'on se rappelle à l'époque, avant les années 60, avant que les universités du Québec existent, les universités au Québec, il y en avait une à Sherbrooke qui était pas mal la seule en région, sinon ça fallait aller à Québec ou à Montréal. Donc les gens devaient s'expatrier, puis là on voulait que les intellectuels restent dans leur région et puissent, puis quand je dis intellectuels, je dis ça au sens très très large, c'est-à-dire les gens qui étudient, les gens qui ont eu des plus longues études, afin que les régions ne se vident pas. Donc, c'est ça la mission des universités du Québec. Or, le problème, c'est que, si l'Université du Québec augmentait son offre de services ailleurs au Québec, on pense notamment à Victoriaville, qui est un peu loin de tout, ou ainsi de suite, ou n'importe où, en fait, qui n'a pas d'université proche, on se dirait, c'est dans sa mission. Là, le problème, c'est qu'on regarde ça, puis étonnamment, Drummondville, ça semble en fait être une ville très, très stratégique dans le centre du Québec parce que vérification sur Google Maps nous apprendrait que Drummondville est à peu près à mi-chemin entre Trois-Rivières et Sherbrooke, où on trouve une autre université. En fait, c'est qu'il se faisait, parce que honnêtement, avec ça, l'UQTR est en train de gagner cette guerre-là, mais il se faisait une guerre du recrutement entre les deux universités, c'est-à-dire l'UQTR et l'Université de Sherbrooke, pour les gens de Drummondville et de sa région proche. Donc là, évidemment, Trois-Rivières est allé mettre son grand pied là et repousse un peu Sherbrooke. Donc c'est le motif peut-être un peu moins avouable, mais exactement quel est l'intérêt de faire ça? Parce que ça coûtait très cher, ça coûtait plusieurs millions. Et on se rappelle que, on le sait tous, nos classes à l'UQTR sont pas particulièrement magnifiques. On a des chaises qui... On a arrêté qu'il est capable de prendre quelques subventions et quelques fonds investis ici même. Hein? Évidemment. Justement, cette semaine, il se promenait un article avec des photos de la nouvelle bibliothèque de ce fameux pavillon-là qui est magnifique, qui est très moderne. Oui, pas vide, elle. On s'entend? Oui, puis je crois qu'elle va être ouverte à des heures beaucoup plus, sympathiques pour les étudiants que celle-ci. On se demande, mais pourquoi sommes-nous si pestiférés sur le campus UQTR à Trois-Rivières? C'est simplement un simple calcul de par rapport au financement des universités. Le fonctionnement du financement des universités, en fait, c'est une science assez complexe, mais qu'on va résumer comme suit. Il y a deux manières de déterminer le montant de subvention. Parce que, à base, on le sait, les universités au Québec, y compris celles qu'on considère comme les universités privées, c'est-à-dire, l'Université Laval, l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, les universités anglophones rentrent là-dedans aussi, c'est ce qu'on appelle les universités à charte, c'est-à-dire qu'elles sont quand même subventionnées en majorité par le public. On dit dans le réseau des UQ, c'est jusqu'à 70% du financement qui vient directement du gouvernement. Bien que cette proportion soit amenée à changer avec le temps, on le sait avec la hausse des frais de scolarité et ainsi de suite, qui a eu lieu en subrepticement de manière plus, de manière plus progressive que ce qui était proposé en 2012, mais qui a quand même eu lieu. Bon, tranquillement, pas vite, le gouvernement s'est désinvesti du financement des universités, mais néanmoins. Reste que le calcul, la façon qui est faite, puis là, vous allez comprendre le lien avec pourquoi l'UQTR a ouvert un campus à Drummond pour concurrencer l'Université de Sherbrooke. C'est que, bon, on a un truc qui s'appelle les EETP, c'est-à-dire les équivalences étudiants temps plein. C'est-à-dire qu'on calcule le nombre d'étudiants. Dans le fond, on fait une espèce de gros chiffre par rapport au nombre d'étudiants à temps plein. Mettons, les temps partiels, ben on les regroupe pour faire, mettons, deux temps partiels, moitié de temps plein, on les regroupe ensemble pour faire un temps plein. Et ça, donc, ça donne un chiffre du nombre d'inscriptions équivalentes à un temps plein. C'est une des raisons, entre autres, parce que pourquoi l'université? Je sais pas si dans plusieurs départements, quand j'étais en psycho, entre autres, on recevait ça une fois par session, on recevait un courriel de la direction du programme qui nous disait « c'est très important de vous prendre des sessions à temps plein puis de finir de prendre le cheminement le plus normal possible parce que XY raison pour nous faire peur un peu ». C'est la raison, en fait, c'est que plus l'université a d'étudiants tout court, bien évidemment, plus ça lui coûte cher, mais faut dans le fond, idéalement, il faudrait que l'université ait juste des gens à temps plein parce que c'est comme ça que ses dépenses seraient le plus proche de ce qu'elle reçoit, dans le fond. Dans le fond, ça serait en quelque sorte une optimisation de ses revenus par rapport à ses dépenses. Évidemment, l'université reçoit en masse pour ses dépenses, là. C'est pas ça qu'on disait, mais bon, bref. Donc, on se rappelle l'équivalence étudiant à temps plein, puis il y a aussi l'EETPP. EETPP, en fait, oui, c'est ça. Je m'en allais mettre de l'emphase sur le dernier, mais je ne l'ai pas fait. C'est l'équivalence étudiant temps plein pondéré. Et là encore, on a un autre nerf de la guerre ici. Ça explique, entre autres, pourquoi est-ce qu'on a un genre de doctorat en médecine, mais qui n'est pas vraiment donné par nous autres, mais qui ne se fait pas vraiment à l'UQTR, mais qui est considéré qu'en plus, en tout cas. C'est que ce qui arrive, c'est que après ça, cette espèce de gros indice-là, le ETP tout court, l'équivalence étudiant temps plein, celui-là ensuite est pondéré par rapport aux programmes qui sont donnés. Il y a certains secteurs qui sont plus, qui coûtent évidemment plus cher. On s'entend, nous étudiants en philosophie et en communication sociale, on coûte pas très cher à l'université comparé aux gens en génie mécanique, par exemple, ou aux gens en médecine. Hey, on a quand même un laboratoire. On a un laboratoire qui est une salle de classe un peu plus grande. Yeah. contrairement aux gens qui ont des laboratoires en robotique ou encore en biologie, qui ont beaucoup plus d'équipements de laboratoire à avoir, puis ainsi de suite. Évidemment, on coûte moins cher. Bon, on s'attendrait à ce que ça soit répercuté sur le nombre de livres qu'ils achètent pour nous, mais ça, c'est toute une autre affaire. C'est un autre, ça sera un autre éditorial. Le pondéré, c'est ça, ce que ça fait, c'est que ça fait que quand l'université offre des programmes qui sont beaucoup plus, qui coûtent plus cher à offrir, ben on augmente le taux, l'argent par rapport, l'argent reçu par rapport au nombre d'équivalents étudiants temps plein. Donc, ce que ça fait, en gros, c'est que tout ça pour dire que l'intérêt, c'est que présentement, les universités, ce qui est payant pour eux, c'est premièrement d'offrir, idéalement, de pouvoir cocher toutes les cases des programmes qui coûtent cher, c'est-à-dire le génie, la médecine, tout ce qui est, mettons, comme biologie moléculaire, ces programmes techniques-là, en sciences de la santé coûtent tout le temps très cher, donc sont très payants à avoir pour l'université en même temps, et d'aller, évidemment, se chercher le plus de clientèle, parce que oui, évidemment, de nos jours, dans la novlangue officielle actuelle, on est maintenant des clients, on n'est plus des simples étudiants, on est des clients de l'université, donc c'est d'aller avoir la plus grande clientèle possible pour avoir le plus de financement possible, et ensuite, évidemment, lui en donner le moins possible à cette clientèle-là. Pareil comme une belle grosse business. Je pète ma coche parce qu'effectivement, le campus de Drummondville est purement mercantile, mais c'est même pas le plus gros problème avec ça. Savez-vous c'est quoi? C'est que la bâtisse, elle est en tabarouette. Oui, avez-vous vu? Elle est tellement horrible. Est-ce que Angélie, Madame Durocher, avez-vous vu le campus de quoi il a l'air? Ben oui, mais c'est vrai que ça a l'air d'un mélange de blocs Lego, Tetris. Je pense que c'est toi, Lucas, qui me disais ça. Ça a l'air de Tetris mal agencé ensemble. Absolument. Ouais, on va le mettre sur notre page Facebook, les gens vont commenter. Tout de suite après l'émission, effectivement. En fait, je me demande, même si je ne l'ai pas programmé pour pendant l'émission, mais vous allez pouvoir le voir. Puis c'est une photo qui est supposée de la mettre à l'œuvre. Puis en gros, c'est un gros bloc de vitre avec des espèces de grands rectangles bruns qui montent du haut puis qui ont l'air à des coulisses un peu. Là. C'est vraiment très laid. Tant qu'à nous coûter cher comme ça, puis tant qu'à dans notre face, faire des locaux flambant neufs qui servent juste à tenter d'aller grappiller des inscriptions dans les plates-bandes de l'Université de Sherbrooke, quand là, au moins, il aurait pu le faire beau. Oui, on nous apprend c'était d'ailleurs effrayant. À l'instant que le taux de dépression chez les architectes monte en flèche depuis que ça a été inauguré, ce pavillon-là. C'est effrayant. Donc, c'est sur ça que je vais clore mon éditorial et je vous laisse la parole à vous deux. Bon, alors, vous avez entendu tout à l'heure une voix féminine inhabituelle à l'émission. C'est Mme Anne-Julie Durocher qui vient ici nous parler. Il y a eu, dans les pages du Zone Campus, une lettre qui a été écrite, qui a été co-signée par plusieurs personnes par rapport à un événement qu'il y a eu à l'UQTR, dont le nom était « Sauf une fois au chalet ». Je ne sais pas si Mme Durocher, vous avez envie de nous expliquer un peu, en gros, c'était quoi l'événement? Oui, mais en fait, on est 10 co-signataires de cette lettre-là, des étudiants de différents programmes, des garçons, des filles. En fait, nous, c'est qu'au départ, on avait un problème avec le titre de l'événement, « Sauf une fois au chalet ». Parce que pour nous, ça faisait clairement référence à une vidéo là virale sur YouTube d'un monsieur de 93 ans accusé d'inceste et de d'autres choses sur ses filles et qui dit en sortant de la cour « Je ne l'ai jamais faite sauf une fois au chalet ». À la suite de cette déclaration-là, bien sûr, il a été... Qui avait été viral. Exactement, vraiment. Dans une certaine tranche d'âge, là, je tiens aussi à le dire, tu sais, mettons 20-30 ans là, actuellement, là, les gens qui ont 20-30 ans. C'est ça. Puis bon, il a été reconnu coupable. Donc, plusieurs associations étudiantes ont décidé de faire un party ayant pour titre « Sauf une fois au chalet ». Donc, bon, le titre, déjà, était problématique pour nous, mais on... OK. Ensuite, on est allé voir sur l'événement Facebook et c'est là que on a trouvé que ça allait peut-être un peu trop loin quand, entre autres, on a remarqué qu'il y avait la vidéo là, dont on parlait, la vidéo virale, avec en plus l'inscription au-dessus « Hommage au roi ». OK, donc, ça, c'est extrêmement malaisant. C'est, oui, on pouvait plus... Il n'y avait plus de doute. Savoir, il ne faisait pas juste une référence à un terme qui est passé dans la culture populaire, c'était carrément une allusion aux vidéos. Parce qu'en fait... La défense qu'ils ont, c'est de dire, ben nous autres, c'était juste une thématique chalet. Ce qu'on aurait pu croire, assumer, dire, bon, vous étiez plus jeune quand la vidéo a été virale, on va vous croire, mais non. À partir du moment où vous mettez la vidéo sur votre événement Facebook, que vous inscrivez Hommage au roi, il n'y a aucun doute pour nous que vous savez très clairement à quoi fait référence cet événement-là, que ce n'est plus seulement une thématique chalet, vous utilisez un événement de manière humoristique, un événement qui ne devrait pas l'être. Et en plus, bon, OK, il y avait ça, il y avait d'autres memes et des variantes de cette vidéo-là, dont une de Lord of the Ring. Il y avait aussi prévu une French zone pour les coquins. On ne sait toujours pas c'est quoi une French zone pour ça, les coquins. C'est pour les étudiants français, ça se peut-tu? C'est ça doit être ça, mais... C'est vrai que les étudiants français sont coquins parfois. C'est ça. D'accord, en tout cas... on les aime. Ça n'a pas eu lieu, cette French zone-là. On est content, on ne sait pas c'est quoi, puis on va... continuer comme ça, disons. Fait que c'est ça. Fait que on s'est regroupé en tant qu'étudiants, puis on voulait un peu dénoncer, sans nécessairement dénoncer cet événement-là. En fait, cet événement-là servait de figure de cas de la culture du viol qui est très présente dans les universités, là, pas juste à l'UQTR, mais partout, au Québec, mais aux États-Unis et sur les autres campus. Donc, c'était un prétexte pour aborder le sujet. Puis, c'est ça. Mais nous autres, c'est sûr qu'on a rencontré, avant même la publication de la lettre, on a rencontré l'AGE. Et le service aux étudiants, afin de leur exprimer notre malaise aussi. Comment ça a été reçu, en fait, cette lettre-là? Ben, j'ai quoi, après ça, la presse, la presse canadienne, pas dans le sens le journal La Presse, là, mais ça a été repris un peu partout? Ben, c'est ça, oui. Y a eu le Nouvelliste qui a fait un article, TVA. Le 106.9 nous a reçus à la radio et j'ai appris hier que le Journal de Montréal aussi en avait parlé en fin de semaine. J'avais fait une petite brève là-dessus. Et bon, vous nous recevez. Donc, oui, ça a fait boule de neige, tout ça. Faut dire que l'AGE et le SAE ont pris ça très au sérieux. Ils n'avaient pas vu ça de cette manière-là. Puis bon, c'est pas tout le monde non plus qui avait la référence. Comme j'ai dit, c'est pas mal 20-30 ans. Puis ils savaient pas, je veux dire, c'est pas quand une activité est approuvée. On va pas seulement sur l'événement Facebook voir qu'est-ce qui s'écrit. Fait qu'ils n'étaient pas non plus tout au courant. Fait que ça a été pris vraiment au sérieux. Puis on a eu une bonne réception là, dans la population en général. On a eu quand même beaucoup de commentaires très positifs, de messages d'appui. C'est sûr qu'on a aussi des féministes frustrées et sorcières au bûcher, mais ça, c'est sans grande c'est surprise. C'est tellement original. Hein? Oui, c'est ça, c'est très cherché, comme un peu le titre de l'événement. Hein? On va dans le très simple. On voit qu'on est à l'université, puis que tu sais, c'est des grandes figures intellectuelles qui prennent toutes ces décisions-là. Puis on s'entend que ça va souvent être, on va se faire dire, parce que, bon, par souci de transparence, je vais le dire, moi, je l'ai signé la lettre aussi, d'ailleurs, j'ai il était beaucoup moins actif que toi, que vous, Anne-Julie. On s'était dit qu'on se gardait un décorum avec nos invités, mais c'est difficile parce qu'on connaît depuis trop longtemps. Je vais faire comme Jean-Philippe Wautier, puis on va se faire une canne où on met une pièce à chaque fois. Mais non, c'est ça, je l'ai signé. Moi-même, j'ai été beaucoup moins actif que vous sur un peu dans les médias par rapport à ça, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes d'entrevues puis tout ça. Moi, je restais un peu plus en recul. Mais... c'est ça, puis c'est que souvent, moi, ce que j'ai trouvé déplorable avec les attaques de féministes frustrées puis tout, c'est que justement, la lettre était très, très... On considérait que c'était une erreur de bonne foi, on disait que c'était... On accusait personne, on faisait pas des torts, on attaquait pas personne là-dedans. J'avais pris ça comme dénoncer une maladresse et non faire des accusations à tort et à travers. Exactement, on accusait personne de faire la promotion du viol, là. Tu sais, ça, c'était... je sais que pour des gens, ils ont eu cette impression-là, mais je pense que si on lit bien la lettre, on le dit entre autres à la fin, genre, c'est pas la faute ni de la GE, ni de l'université, ni des organisateurs, c'est un problème de société. C'est là-dessus qu'on veut mettre la faute. En fait, c'est que ça fait le terme, le méchant concept, la culture du viol, ça fait peur à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui comprennent un peu à tort et à travers c'est quoi au juste la culture du viol. Je sais pas si Anna Durocher, vous pouvez nous expliquer c'est quoi au juste. En effet, la culture du viol, il y a beaucoup de monde qui comprennent pas trop c'est quoi, parce que faut comprendre aussi que c'est un nouveau concept qui apparaît de plus en plus dans les médias puis dans la culture populaire. Dans la culture anglo-saxonne, le terme, en fait, est assez bien connu dans la culture populaire. Par contre, il y a une petite réticence, justement, dans les milieux francophones. On dirait que ça fait plus peur aux gens, la culture du viol. Sont-ils en train de dire qu'on encourage les gens à violer? Sont-ils en train de dire que tous les hommes, c'est des violeurs? Non, c'est pas ça. C'est ça. Parce qu'en anglais, c'est « rape culture », puis c'est très, très présent, là. Il en parle beaucoup depuis déjà quelques années. Au Québec, on appelle ça la culture du viol. C'est quoi la culture du viol? C'est beaucoup de choses. Dans le fond, c'est un grand mot pour exprimer une situation de société. La culture du viol, c'est, entre autres, tout ce qui a rapport aux représentations stéréotypées des agressions sexuelles. Quand on parle d'agression sexuelle dans la tête de bien des gens, c'est dans une ruelle, le soir, tard, un inconnu, t'avais un couteau sous la gorge, puis c'est une agression avec pénétration. Tout ce qui déborde de ce cadre-là est souvent pas compris comme une agression sexuelle. Donc, de te faire pogner les seins dans un bar, ce n'est pas une agression sexuelle pour bien des gens. Donc, quand on le dénonce, de un, ce que ça fait d'avoir cette représentation-là stéréotypée, c'est que quand tu vas le dénoncer, autant à la police, à la sécurité ou à tes amis, ils vont te dire « Ben non, t'exagères. C'est pas ça un viol, puis il a pas voulu mal faire, puis tout ça. » Parce qu'on a tellement une représentation fixe que c'est plus difficile de croire les victimes d'agression, parce que l'agression sexuelle, ça va de l'attouchement jusqu'à agression avec pénétration. Là. Ça couvre un large spectre. Fait qu'il y a ça là-dedans. Il y a aussi, la négation du viol lui-même, un peu, j'ai abordé, de dire « Ben non, c'est pas ça » ou « Ben non, tu sais, t'avais bu. Tu sais, tu le voulais peut-être, mais là, t'avais bu. » Fait que c'est pas vraiment un viol ou genre, tu sais, ouais, mais tu l'as embrassé au bord. Fait que là, si t'es allé chez eux, c'est un peu comme si tu voulais coucher avec lui. Pas nécessairement. Ou peut-être que quand la personne s'est déplacée jusqu'à chez le garçon, peut-être qu'elle voulait, mais quand elle est arrivée là, ben, elle a dessoulé ou elle est peut-être encore saoule, mais là, ça ne tente plus, elle veut juste dormir. Un des concepts fondamentaux de la culture du viol, c'est de dire le consentement est une chose qui peut se retirer à tout moment. Exactement. Puis, je sais pas si vous avez vu, il y avait la petite vidéo, je sais que l'an dernier était très virale, justement, en Angleterre, ils ont fait la vidéo avec le thé, ils ont comparé le consentement de boire du thé et le consentement sexuel, et je trouve que c'est vraiment le meilleur exemple. Tu donneras pas du thé à quelqu'un qui dort. Fait que pourquoi tu aurais une relation sexuelle avec quelqu'un qui dort? C'est non. C'est la même chose. Ça va être sur notre page Facebook après l'émission, si c'est passant. C'est bon. Fait que c'est ça. Sinon, dans la culture du viol, ben il y a tout le... de blâmer la victime. On parle aussi de slut-shaming. Donc, tu t'es habillé sexy, tu l'as cherché, tu t'es frotté sur lui. C'est sûr, un gars... Il y a aussi le bon... le déterminisme, là. L'homme ne peut pas retenir ses pulsions, là. Je pense qu'en société, on... De toute façon, en tant qu'humain, on est capable de retenir nos pulsions. Puis ça va de « je suis fâché, je te tue pas parce que je suis capable de retenir mes pulsions » à « j'ai envie de toi, mais je suis capable de me retenir si t'as pas le goût ». Je veux dire, cet argument-là, sinon, est applicable à tout autre acte criminel. Si on dit qu'il est valide pour les cas de viol. Puis il y a aussi toute la banalisation, puis c'est un peu ça le cas de l'événement, c'est qu'on fait beaucoup de jokes par rapport au viol. Du genre « je me suis fait violer par mon examen ». Tu sais, c'est une expression qu'on entend couramment. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça en société? Je me suis fait violer par mon examen. Ça banalise un peu le viol, de le dire, de faire des événements à connotation ou qui rappellent des événements d'inceste. Tu sais, c'est véhiculé aussi dans des talk shows, dans des émissions populaires. C'est pas juste à l'université, c'est très répandu en société. Puis c'est pour ça que c'est important de relever ces cas-là afin qu'ils ne se répètent pas, puis de sensibiliser les gens. Tu sais, comment qu'on va résoudre ça? C'est de, un, en croyant les victimes, en ne les culpabilisant pas, mais aussi en dénonçant les situations, justement, de banalisation afin que les gens s'en rendent compte. Donc, c'est beaucoup de sensibilisation et d'éducation. Puis c'était le message qu'on voulait porter par la lettre. C'était pas d'accuser qui que ce soit ou quelconque association. C'est ça. Puis c'est aussi d'amener les gens à dénoncer, là, tu sais. Faut que les gens dénoncent les agressions. Et que c'est pas juste l'histoire des personnes qui en ont subi, parce que souvent, ces personnes-là vont se sentir très mal à l'aise par ces blagues-là, cette banalisation-là. C'est pour ça que, en fait, c'est une des raisons pour laquelle on vous a invité à l'émission. Parce que c'est le travail de tout le monde, en fait, de dire que c'est pas matière à rire. Il y a des gens que c'est un drame dans leur vie. Il y a des gens que leur vie peut tenir à un fil à cause d'événements comme ça. Et le simple fait que dans la culture populaire, ça soit très acceptable de banaliser le viol, ça peut pour beaucoup, sur le moment, justifier certains actes répréhensibles. Tout à fait, parce que justement, on le sait, là, il y a à peu près 90% des agressions qui sont non dénoncées. Je pense que c'est un an ou deux, il y avait le hashtag « agression non dénoncée ». Been raped, never reported. Oui. Suite à l'affaire Yann Gomeshi. Oui, c'est ça qui passe en cours, je pense, cette semaine ou en tout cas prochainement. Mais c'est tout ça, on le voit bien. C'est peut-être difficile à croire parce que tu dis, il y a 90% des agressions qui sont dénoncées, comment vous le savez? Mais on le sait. T'sais, ça se discute, puis quand même, une femme sur trois avant l'âge de 16 ans qui a été victime d'agression sexuelle, comme j'ai dit, c'est un large spectre. Puis, dernièrement, en France, il y a eu une étude, 100% des femmes ont été victimes d'agressions sexuelles dans le métro de Paris. Tu sais, ils sont capables de sortir des chiffres comme ça parce qu'il y a des gestes qui sont posés puis qu'on est capable de voir. Fait qu'il faut dénoncer ces situations-là. Puis quand on est victime, il faut pas avoir peur de dénoncer. Puis c'est un peu ça aussi qui nous fait peur présentement parce qu'on a eu quand même des réactions négatives face à notre lettre, là, des sorcières au boucher, féministes frustrées, des attaques personnelles, de l'intimidation. Mais moi, s'il y a des victimes qui nous écoutent, dénoncez-les. Puis je vous dis, il y a beaucoup plus de réceptions positives que négatives, même si on a tendance à entendre plus souvent le négatif que le positif. C'est important de dénoncer. C'est important pour vous, pour passer à autre chose aussi. Vous n'êtes pas tout seul. C'est vraiment le message aussi qu'on veut lancer. Puis on va continuer aussi dans cette voie-là, le groupe de personnes qui s'est impliqué dans la signature de la lettre. On trouve que c'est important. Puis on sait aussi qu'il va y avoir une campagne là, à l'université qui va être lancée. C'est quoi cette campagne-là, juste? De ce que j'en sais, c'est une campagne provinciale dans les universités sur le consentement. Mais, je parle peut-être à travers mon chapeau là, un peu là-dessus, mais il va y avoir vraiment une campagne là-dessus, suite entre autres aux événements là, des GGs. Il y a une couple d'années, l'équipe de hockey en Ontario, l'UQAM l'an dernier, il y a eu plusieurs cas. Donc, c'est dans cette veine-là, sur le consentement. De ce que j'en sais, ça devrait sortir en mars. Fait que on veut aussi continuer nos actions pour encourager les personnes à dénoncer puis arrêter la banalisation du viol. Donc, merci beaucoup, Anne-Julie. C'était très informatif. On va passer au prochain segment. On va rester dans la même veine. Ça va être... On avait dans nos segments un top 3,5. On a décidé de servir de ça pour faire une espèce de recension des mauvaises excuses qu'on voit souvent dans les médias. C'est des choses qu'on voit surtout, c'est très culture sud-américaine. C'est ça. Je vais laisser Sébastien continuer. Donc, c'est ça. C'est top 3,5. Et demi est important. Des pires excuses pour justifier une agression quelconque. Donc, la numéro 3, là encore, cher public, j'en appelle à ton imagination, parce qu'on n'a pas encore de jingle et de petits sons pour ça. Ça sonne juste très mal ce que tu as fait, Lucas, dans les écouteurs. Je ne recommencerai plus jamais, merci. Je m'excuse. Taper sur le bureau comme ça, c'est pas champion. Donc, la numéro 3, c'est « j'ai pas fait exprès ». Ce à quoi j'aurais tendance à répondre « ah d'accord ». T'as glissé sur une peau de banane puis t'es tombé avec une précision chirurgicale, par hasard évidemment, au bon endroit, résultant en un coït impromptu. On s'entend? Ça se tient pas pantoute. La numéro 2, ah, était, comme tu as dit, comme vous avez dit tantôt, Angélie, ah, était habillée sexy, j'ai pas pu m'en empêcher. Moi, ce que ça me dit, c'est que la personne qui dit ça, c'est le genre de personne qui va arriver, mettons, chez McDo, puis qui va comme voir l'affiche de burger, puis qui va la licher parce qu'il peut pas s'en empêcher, parce que ça donne l'air bon. Fait que là encore, pas très brillant. Et la numéro 1, le big, big, big winner, puis ça, celle-là est dégueulasse d'ailleurs. Dans le fond, elle voulait la preuve, c'est qu'elle est tombée enceinte, parce qu'il y en a qui pensent ça. Oui. Ça d'ailleurs, petite parenthèse universitaire, j'avais à la session passée les cours d'histoire de la modernité avec Laurent Turcot. Mm-hmm. Et en fait, ça a une base historique, cette excuse-là, qui est extrêmement mauvaise. Et en fait, c'est que l'Église, à l'époque, disait que pendant une relation sexuelle, le rôle de l'homme était de donner un orgasme à la femme. Et que c'est l'orgasme qui faisait une certaine sécrétion qui permettait à la femme de tomber enceinte. Et que, bon, en fait, c'est de la merde, cette théorie-là. Mais c'est resté dans beaucoup de mentalités, particulièrement dans le sud des États-Unis, à savoir que c'est l'orgasme qui permet à la femme de tomber enceinte. Et si la femme a eu un orgasme, c'est parce qu'elle était consentante, finalement. Alors que c'est trois choses qui ont complètement aucun lien ensemble. Effectivement. Puis on peut donner comme exemple, quand un gars est agressé sexuellement, on va enlever complètement la fille de ça, quand un gars est agressé sexuellement par un autre homme ou par une femme, qu'il le veuille ou pas, le risque d'avoir une érection est relativement très, très, très élevé. Donc, pourquoi la femme, ça marche juste pas cet argument-là. Absolument. Effectivement. En fait, vous avez pété ma punchline. Merci beaucoup. Moi, ce que je disais à ça, c'est que ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est toi, t'écoutais pas en secondaire 3 en bio, hein? Probablement pas chez le cours. Ils ont plus de cours, par exemple, d'éducation sexuelle. Mais en bio, en théorie, il me semble qu'il y avait un bout de système reproducteur. Mais moi, mon secondaire commence à être loin. Ouais. Ouais, mais on parle de la nouvelle réforme. C'est un peu vieux. C'est vrai, c'est vrai. L'affaire, c'est que ce qui a été fait pour tout ce qui est sexualité, c'est qu'en tant que tel, ça n'a pas été enlevé. Mais ce qu'ils disent, c'est que c'est le rôle de chaque professeur de trouver une façon d'aborder le sujet dans leur cours. Donc, résultat. On pèle encore dans la cour des profs pour qu'ils se tapent toutes les réformes puis tout l'odieux de la chose. Donc, éditorial encore, ça va venir. Tel que promis, c'est un top 3,5. Puis en fait, le demi, c'est toutes les autres parce qu'une bonne raison, ça n'existe pas. Donc, si vous avez un problème avec ça, je finirai en disant, comme j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, sur notre page Facebook, on va mettre le magnifique petit vidéo qui explique avec le T. On s'excuse du langage, c'est pas très soutenu, mais vous pouvez mettre des sous-titres en français, puis c'est en anglais, là. Vous pouvez mettre des sous-titres français qui sont beaucoup plus propres et dans un langage beaucoup plus soutenu, mais c'est très éducatif. Et ça répond à plein de questions pour les gens, parce que, bon, c'est ça, des fois on se fait un peu dire de la mauvaise foi, puis tout, puis on se dit, ben regarde, c'est ça, c'est comme ça vous allez être informés. Donc, ça nous amène déjà à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Parlant de notre page Facebook, vous pouvez la liker. La sortie de secours est à votre gauche. Merci à toi, cher public, d'avoir travaillé un peu avec moi et d'avoir d'avoir utilisé ton imagination pour l'ambiance sonore qu'on n'a pas encore faite. Merci à Lucas pour ta présence et ton travail à la console. Merci. Ça t'a pas fait plaisir. Ça t'a pas fait plaisir. Hein? Non. Et surtout, dernière mais non la moindre, merci beaucoup, Angélie, d'être venue et de nous avoir entretenu de ce sujet. Ma foi, touché et de tout qui est de tout autant d'actualité. Sincèrement, c'était très intéressant. Merci Vin de m'avoir donné la tribune, en fait, parce que c'est important, justement, on l'a dit, sensibilisation, éducation, fait d'avoir des tribunes comme celle d'aujourd'hui, ben ça nous permet aussi d'en faire. Puis c'est ça. Merci. Ben, c'est nous qui te remercions. Et donc, on revient toujours la semaine prochaine à 13h. On va parler d'autres choses, évidemment. Et on lit Lucas dans le Zone Campus qui tient l'éditorial. Oui, c'est ça. Depuis qu'ils se sont débarrassés de leur ancien éditorialiste qui disait rien de pertinent. Et moi qui tiens cette semaine, d'ailleurs, si vous tombez sur le Zone Campus, j'ai fait un François Juge de Blais, où est-ce que je parle justement de notre ex-ministre de l'Éducation qui est maintenant retourné à son ancien portefeuille, qui est la solidarité sociale, dans laquelle il avait déjà fait quelques ravages. Et lui-même s'affronte dans mon... J'ai écrit un dialogue où est-ce que jeune François discute avec vieux Blais, parce que j'ai dit François Blais était spécialiste de allocation universelle qui est bien connue dans la culture populaire sous le nom de revenu minimum citoyen. Et bon, le revenu minimum citoyen, en fait, c'est une théorie super intéressante selon laquelle on pourrait, c'est ni de gauche ni de droite, en fait, c'est que c'est intéressant. Puis il y a certains pays comme le Danemark qui vont implanter ça à partir de l'année prochaine. Puis c'est une théorie selon laquelle on devrait envoyer un montant minimum d'argent à tout le monde, riche, pauvre, les gens qui ont de l'emploi, les gens qui n'ont pas d'emploi, et que ça permettrait d'abolir absolument tout ce qui est administration pour, justement, sur les prêts et bourses, qu'on parle de chômage, qu'on parle d'aide sociale. C'est une théorie super intéressante. J'ai lu le petit livre de François Blais qui avait écrit sur le sujet. Puis c'est ça, je le fais se confronter lui-même aujourd'hui à ces idées qu'il avait jadis dans ses livres. Donc, merci pour l'auto-promotion, ça Lucas. Me fait c'est ça qui arrive souvent dans les cas qu'il y a eu du nivellement par le bas. Hein, on en parle plus pour... Donc, ceci étant dit, à la semaine prochaine. Et ben dans le fond, tout de suite après la pause, vous allez avoir pré-assemblage... c'est des rediffusions d'assemblage requis. Donc, à la semaine prochaine. Vous êtes assis. 89 heures. Vous êtes assez fous pour l'écouter.